de fées en français. Aladdin et la lampe merveilleuse. Il était une fois, dans un royaume au beau milieu du désert d'Arabie, un pauvre tailleur qui avait un fils appelé Aladdin. Il aimait jouer toute la journée au marché avec son singe à bout. Malheureusement, son père décéda lorsqu'il avait 16 ans. Mère, je vais travailler à la boutique et gagner de l'argent. Ne t'inquiète pas. Aladdin commença donc à travailler au magasin de son père. Un jour, un étranger vint à son magasin. Bonjour, cher Aladdin. J'ai appris pour la mort de ton père, mais je n'étais pas en ville à l'époque. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Qui êtes-vous? Je suis ton oncle. J'ai vécu à l'étranger pendant de nombreuses années. Oh, mon oncle! Mon père m'a déjà parlé de vous. Je suis venu ici pour te montrer un lieu secret. Un trésor caché. Viens avec moi. Je vais te montrer. Un trésor? Ok, allons-y. Aladdin s'assit sur son chameau et ils partirent en voyage. Ils passèrent plusieurs jours dans le désert. Ils finirent par atteindre deux montagnes séparées d'une vallée étroite. Nous y voilà. Va donc chercher des bâtons pour allumer un feu. Lorsque le feu fut allumé, l'homme jeta de la poudre au feu et commença à chanter quelques paroles magiques. Le sol trembla et se fissura. Une plaque de marbre sortit du sol avec un anneau posé dessus. Oh! Oh! Que se passe-t-il, mon oncle? Je commence à avoir peur. Ne crains rien. Fais simplement ce que je te dis. Sous cette pierre se trouve un trésor qui doit être le tien. Donc tu dois exactement faire ce que je te dis. Tout d'abord, prends cet anneau. Aladdin prit l'anneau. La pierre bougea et apparurent des escaliers pour descendre. À la fin de ces escaliers, tu trouveras un jardin d'arbres fruitiers. Passe à travers sans rien toucher, ou tu mourras instantanément. Continue de marcher jusqu'à arriver à un lieu où se trouve une lampe allumée. Vide l'huile qu'elle contient et apporte-la-moi. Cet anneau te protégera du danger. Aladdin descendit les escaliers soigneusement sans toucher au mur doré. Après les escaliers, il y avait un jardin d'arbres fruitiers. Ces fruits ont vraiment l'air appétissants. Aladdin avait faim. Il ne put s'empêcher d'en prendre quelques-uns. Dès qu'il cueillit une pomme, elle se transforma en rubis. Oh! Il cueillit quelques raisins qui se transformèrent en perles. Aladdin récolta autant de fruits qu'il put. Puis, il vit une lampe allumée. Il retira l'huile et la posa sur les fruits. Aladdin retourna vers les escaliers où l'oncle magicien l'attendait avec impatience. Viens, Aladdin, apporte-moi cette lampe. Mes mains sont pleines. Venez m'aider, mon oncle. Espèce d'imbécile, si tu ne me donnes pas la lampe, tu resteras ici pour toujours. Dans sa colère, le magicien murmura quelques sorts de magie et la porte en pierre se referma. Aladdin était enfermé à l'intérieur de la grotte. Mon oncle! Mon oncle! Laissez-moi sortir! Mon oncle! Mon oncle! Je n'aurais jamais dû croire cet homme. Aladdin pleura des jours durant, espérant que quelqu'un viendrait le sauver. Mais personne ne vint. Oh, que quelqu'un me sorte d'ici! Je vous en prie, que quelqu'un m'aide! Tout en disant ce souhait, Aladdin toucha des doigts l'anneau et, à sa grande surprise, il atterrit chez lui. Où étais-tu passé durant tout ce temps? Je t'ai cherché partout où je pouvais. Aladdin lui raconta l'histoire et lui montra tous les trésors qu'il avait récupérés. Cette lampe est très ancienne. Elle frotta la lampe pour la nettoyer. À sa grande surprise, un énorme génie en sortit. Madame, dites-moi votre souhait. Tant que vous tenez la lampe, je suis votre esclave. Aladdin et sa mère étaient étonnés. La mère demanda au génie d'avoir un festin, puisqu'il n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Le génie apporta immédiatement une douzaine de plateaux d'argent à la table à manger. Puis, sur chaque plateau apparut de délicieux aliments, comme de la viande rôtie, des pâtisseries, des pains beurrés et bien plus encore. Aladdin et sa mère mangèrent à leur faim. La mère revendit les plateaux au marché et apporta les choses nécessaires pour vivre. Un jour, Aladdin se promena dans le marché avec Abou. Soudain, il entendit une annonce. Fermez les magasins! Libérez le passage! Celui qui ose regarder la princesse sera décapité! La princesse? Je ne l'ai jamais vue. Aujourd'hui, je la verrai quoi qu'il arrive. Aladdin se cacha derrière une pile de tonneaux. Vint alors le palanquin de la princesse. Elle regardait à travers les rideaux. Aladdin était hypnotisé par sa beauté. Waouh! Je n'ai jamais vu une fille aussi belle de ma vie. Je vais l'épouser. Il courut à sa maison et parla à sa mère de son coup de foudre. Comment peux-tu penser à te marier à la princesse? Le sultan te tuera s'il le découvre. Je suis prêt pour ça. Vous avez seulement à aller au palais et faire ma proposition. Prenez quelques fruits bijoux comme cadeau. La mère prit quelques fruits bijoux et les emballa dans un tissu de soie. Elle se rendit à la cour du sultan. Les gardes du sultan l'empêchèrent d'entrer. Mais le sultan était curieux de savoir ce qu'elle avait apporté dans son tissu de soie. Laissez-la entrer. Merci beaucoup, votre majesté. Je viens vous demander la main de votre fille pour la marier à mon fils. Mon fils est tombé amoureux de votre fille. Il serait insultant pour ma fille de vivre avec un homme aussi pauvre que votre fils. Et qu'apportez-vous à l'intérieur de votre tissu de soie? Elle ouvrit le tissu et montra au sultan les étranges fruits ressemblant à des bijoux. Oh, oh, oh, oh! Je n'ai jamais vu d'aussi beaux bijoux de toute ma vie. Je suis impressionné. Mais avant que j'accepte votre proposition, votre fils doit faire ses preuves. Dites-lui d'apporter 40 plateaux dorés des mêmes joyaux. Deux esclaves portant de riches vêtements devront amener chaque plateau. Oui, votre majesté. La mère retourna à la maison et raconta à Aladdin les conditions du sultan. Ne t'inquiète pas. Aladdin frotta la lampe et demanda au génie ce qu'exigeait le sultan. Le génie présenta une maison pleine d'esclaves avec des bijoux sur des plaques d'or. Emmenez ça au sultan. Cette fois, il sera heureux. La mère d'Aladdin se rendit immédiatement au palais et présenta les cadeaux. Vous m'avez encore une fois impressionné. Mais votre fils doit construire un splendide palais pour y vivre avec ma fille. La mère retourna chez elle et raconta à Aladdin les conditions du sultan. Il frotta immédiatement la lampe et dit son souhait au génie. Le génie construisit un splendide palais du jour au lendemain. C'était visible de la fenêtre du sultan. Le génie déplia un tapis du palais d'Aladdin au palais du sultan. Bravo, génie! Maintenant, donne-moi de royaux vêtements et un beau cheval à monter. Oui, maître, comme vous le souhaitez. Le génie l'habilla des plus beaux vêtements. Aladdin se rendit au palais du sultan sur un beau cheval blanc. Heureux de vous rencontrer, jeune homme. Vous avez fait vos preuves. Vous méritez ma fille comme femme. J'annonce votre mariage. Commencez les préparatifs. Aladdin et la princesse se marièrent joyeusement. Le royaume était rempli de bonheur et de joie. Le mariage rendit Aladdin célèbre dans tous les pays et royaumes. Le magicien entendit également parler du mariage et de la soudaine richesse d'Aladdin. Comment ce garçon a-t-il fait pour s'échapper de la grotte? Il a sûrement dû voler ma lampe pour devenir si riche. Je vais lui donner une bonne leçon. Le magicien alla au royaume d'Aladdin. Il se déguisa en vendeur de lampes. Il alla au palais d'Aladdin avec une offre excitante. Aladdin n'était pas au palais à ce moment-là. Quelqu'un veut-il échanger de vieilles lampes contre des neuves? Aladdin sera très heureux si je le surprends avec une nouvelle lampe. Il utilise cette vieille lampe depuis longtemps. Elle prit la lampe magique et fit un arrangement avec le magicien. Instantanément, il frotta la lampe et appela le génie. Maître, dites-moi votre souhait. Tant que vous tenez la lampe, je suis votre esclave. Emmène ce palais ainsi que la princesse loin d'ici dans le désert, pour que personne ne puisse jamais les retrouver. Avec un boom, le palais disparut. Le sultan vit par sa fenêtre que le palais d'Aladin avait disparu. Il ordonna de faire venir Aladin à son palais. À cause de vos tours de magie, j'ai perdu ma fille. Ramenez-la-moi dans les 4 prochains jours ou vous serez décapité. Je vais la retrouver, je vous le promets. Aladin errait dans le royaume depuis maintenant 3 jours, mais impossible de trouver la princesse. Je dois demander de l'aide à l'anneau. Ça m'aidera encore une fois. Je souhaite voir ma princesse. Puis, il se retrouva face à son palais. C'était dans un grand désert et seul le palais se trouvait là. Il se faufila à l'intérieur et trouva la princesse dans sa chambre. Ils s'enlacèrent et pleurèrent. La princesse lui dit tout à propos de l'incident. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour s'échapper et récupérer ma lampe. Aladin chuchota à son oreille et lui donna une potion. C'était une potion qui rend la victime inconsciente. Aladin se cacha derrière un rideau pour surveiller. Le magicien arriva au palais. Oh, cher Mustapha, pourquoi ne buvez-vous pas le jus que j'ai fait aujourd'hui? Goûtez-le, s'il vous plaît. Ma reine, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Donnez-moi la boisson. Même s'il s'agit d'un poison, je le boirai. La princesse versa le jus dans un verre et y ajouta quelques gouttes de potion. Puis, elle lui fit boire le jus. Est-ce normal qu'il fasse si sombre ici? Les paupières du magicien se fermèrent lentement et il s'étala sur la table. Aladin sortit immédiatement et reprit la lampe de sa veste. Maître, maître, dites-moi votre souhait. Tant que vous tenez la lampe, je suis votre esclave. Ramène-nous avec notre palais au royaume du sultan. Laisse ce misérable magicien quelque part loin dans le désert pour qu'il ne puisse jamais retrouver son chemin. Le génie fit ce qu'il avait été ordonné de faire et ils retournèrent tous au royaume. Voyant la bravoure d'Aladin, le sultan lui offrit sa couronne. Une grande cérémonie de couronnement eut lieu pour Aladin. Ils vécurent tous heureux pour toujours.